un mal. Chapitre 26. Le lendemain matin, Petite, l'enfant au duc, vint à la ferme. Cachapré secrètement l'envoyait avec des paroles pour Germaine, et elle avait couru à travers ronces et souches pour arriver plus vite. Un peu de sueur perlait à sa nuque. Elle entra dans la cour, furtive, l'œil aux aguets, glissant sur le sol comme une rate. Un homme étant là à repasser une faux, elle se cacha derrière un tas de fourrage près de l'étable, et, repliée sur elle-même, attendit qu'il fût parti. Elle vit passer ensuite une grosse fille rouge balançant à ses bras des seaux de lait, et la regarda décroître dans la pâleur de l'air tant qu'elle put. Puis elle se reprit à scruter les fenêtres, le renfoncement des portes, les coins de la cour, n'osant pas avancer à cause de la prudence que lui avait recommandée le braconnier. Un désir furieux de voir cette Germaine tendait son cou sur ses épaules sèches. Mais aucune des figures qui traversaient la cour ne ressemblait au portrait qu'il lui avait fait d'elle. Et sans bouger, aplatie contre le mur, comme une bête qui se tapit, elle guetta toute une heure. À la fin, une grande fille brune sortit de la maison. Sûrement c'était celle-là. Elle quitta sa cachette. Germaine, entendant un claquement de pieds nus sur le pavé, se retourna et aperçut la maigre fillette qui la regardait de ses yeux immobiles, mordillant entre ses dents sans rien dire un bout de mouchoir noué autour de son cou. L'enfant la dévisageait avec colère, oubliant le message qui la menait. Alors que les ducs n'avaient rien vu, ce petit cœur farouche avait deviné pourquoi le feu se faisait rare dans la hutte. Quelque chose l'avait averti de la rivalité d'une amie plus puissante à le retenir que trois ensemble. Et dès le premier moment, elle l'avait détesté. Plus d'une fois, elle avait suivi Cachapré dans la forêt sournoisement, s'attachant à ses pas avec l'espoir tenace de voir surgir des taillis une face rieuse de femme. Oh, elle eût enfoncé ses plantaires à travers des tessons de verre si à ce prix elle eût pu la connaître. Mais rien. Les arches vertes n'avaient pas livré leur secret. Elle avait dû rencogner ses rages. Et enfin, elle l'avait sous les yeux, cette créature qu'elle eût voulu dépecer avec ses dents. De dépit de lui trouver une peau claire, dorée comme le soleil, son petit mufle sauvage se crispa. Pourquoi, comme la duc, n'avait-elle pas la peau râpeuse et noire, le ventre plat, les yeux éraillés? Sa stature était haute et forte, et elle se rappelait une histoire qui lui était arrivée. Un jour qu'elle était dans la forêt à ramasser des feuilles, une dame avait paru dans le chemin, habillée de velours avec des dentelles blanches qui mettaient sur sa robe des dessins de givre. On était au dernier jour de l'automne. La dame marchait dans un rayon de soleil et toute sa personne reluisait comme la statue de la Vierge peinte en bleu et blanc dans la chapelle des Bonnes Odeurs, à une lieue des ducs. Petite était demeurée sur place, les mains en l'air, la regardant passer, très convaincue que c'était la Sainte Vierge elle-même. Une voiture suivait, menée par de grands valets qui avaient de l'or au chapeau. Et doucement, la dame et les chevaux s'étaient enfoncés dans la profondeur du pas lent des visions. Il lui sembla que Germaine avait quelque chose de la belle dame. Elle l'admirait, rageuse, une férocité dans les yeux. Germaine s'impatienta. « Ben, quoi? Qui es-tu ?» La garçonne, sans cesser de mordiller son mouchoir, mâchonna quelques mots. « Hein ?» fit Germaine en baissant la tête. Elle avait cru distinguer un nom. L'autre parla clairement cette fois. Elle lui dit qu'elle était envoyée par Cachapré. Il était dans le bois. Il voulait la voir immédiatement. Et tout en parlant, elle avait sous ses sourcils rebroussés des regards aigus, comme des pointes de couteau. Germaine haussa les épaules avec ennui, puis, ayant réfléchi, répondit « Tu lui diras que je peux pas. Non, je peux pas. C'est biscant. Ce sera pour une autre fois. » Elle portait ses regards autour d'elle de crainte d'être surprise et lui parla en bas un peu penchée. Subitement, elle vit ses méchants yeux noirs flambés comme des tisons, avec un mélange indéfinissable de plaisir et de colère. Et elle eut un haut-le-corps devant cette chose peu naturelle qui trahissait une hostilité. La sauvageonne demeurait plantée sur un pied, s'amusant à glisser l'autre le long de son tibia d'un mouvement régulier, sans faire mine de partir. Germaine serra les dents, se sentant elle aussi de la colère contre cette petite bête méchante. « Va-t'en ! Quand je te dis que je peux pas » fit-elle. L'enfant secoua la tête. « Il m'a dit !» Et elle répétait ces mots à lui, avec l'obstination d'une consigne. Une joie la remuait au fond, de voir que cette Germaine manquait de goût pour cachaprer. Son instinct l'avertissait qu'on aime autrement. Cette insistance finit par inquiéter la belle fille. Elle prit un parti. « Eh bien, tu lui diras que ce sera pour dans 3 heures, chez la Cougnole. » Petite s'en alla, sans prononcer une parole. Germaine regardait son buste mince et plat, remuer tout d'une pièce, comme un mécanisme. Et subitement, elle la vit se retourner et darder sur elle une dernière fois, son œil noir irrité. Alors elle se rappela certaines paroles de Cachapré concernant une fille du bois qu'il appelait la Gadelette. C'était cette Gromiode, bien sûr. Elle haussa les épaules, trouvant drôle de l'avoir pour rivale. La porte dépassée, la petite Sagouine fit une grimace, montra le poing à la ferme et prit sa course à travers champs, riant à plein gosier, gaie d'une gaieté de pie dans les futaies. Cachapré l'attendait, dévoré d'impatience, des soupirs dans la gorge. Du plus loin qu'il la vit, il courut à elle, criant « Ben quoi ? Parle !» Elle hochait la tête, narquoise, prolongeant son silence avec une malice mauvaise. Alors il lui mit la main sur l'épaule et plongeant ses yeux dans les siens « Dis ce qu'elle a dit ou je te... » Elle éprouvait une joie cruelle à le faire languir et supportait ses regards hardiment, le dessous des yeux plissés par une joie sournoise. Comme elle se taisait toujours, la main de l'homme devint pesante et ses doigts se mirent à lui broyer les épaules d'une pression qui augmentait à chaque instant, l'obligeant à ployer. Elle eut un cri dans sa rage et sa douleur. « Ne viens pas !» clapit-elle. Les mains lâchèrent prise. Le voyant assommé comme du poids d'un roc, elle commença par élargir sa blessure en racontant avec des pauses et des reprises que la demoiselle avait haussé les épaules, répété non plusieurs fois d'un air buté. Quand elle l'eut joyeusement torturée, elle parut seulement se rappeler que Germaine serait dans 3 heures chez la Cougnole. Il faillit l'exterminer. Mais la minute d'après, sa colère passée, il la haussa jusqu'à sa bouche. L'enfant d'un bond se dégagea, frissonnante, ayant à la peau comme une brûlure délicieuse, et se mit à courir, affolée, ainsi qu'une bête piquée par un taon. Jamais elle n'avait éprouvé pareille sensation, bien qu'il l'embrassât quelquefois. Tandis qu'il l'appelait vainement par son nom, elle s'enfonça dans le bois pour y cacher sa peine et sa volupté.